Le carnet de philosophie. Géraldine, vous avez fêté la levée de certaines restrictions sanitaires hier, notamment celle d'être debout au comptoir pour boire votre verre avec modération, hein, quand même. Évidemment, j'ai votre verre. J'ai eu la chance de vivre hier une expérience singulière, non pas celle de boire une bière debout, mais celle d'apprendre dans le même temps deux nouvelles contradictoires et s'auto-annulant. Je m'explique, hier j'ai découvert simultanément qu'il avait été interdit de boire debout, oui ça m'avait échappé, dans un bar, et qu'il n'était plus interdit de le faire. Agréable surprise qui en vient à abolir la notion même de nouvelle, celle-ci s'auto-détruisant instantanément au contact de son contraire. Ça arrive par exemple aussi quand on apprend qu'une personne célèbre vient de mourir alors qu'on la croyait morte depuis longtemps. Ce qui, dans ce cas-là, n'abolit pas l'idée de nouvelle, mais presque la redouble, car à la tristesse d'apprendre la disparition d'une personne se mêle presque, je crois, la joie d'apprendre qu'elle a vécu plus longtemps. Mais au fond, il se joue quelque chose de plus, Guillaume, c'est que la nouvelle, dans ces deux cas, n'a rien à voir avec elle-même. Peu importe son contenu ou son importance, ne reste qu'une énigme entre soi et soi-même. Et de quelle énigme s'agit-il, Géraldine ? C'est à propos de ce que vous ne savez pas, mais que tout le monde semble savoir. Mais oui, comment ai-je pu rater ça et ne pas savoir ce que vous tous ici saviez ? Ce qui relève bien de l'énigme, car il ne s'agit pas seulement de savoir pourquoi je suis passée à côté et pas les autres, mais aussi de savoir pourquoi je n'ai même pas envisagé que je ne savais pas. Comme quoi, même à l'époque de la surinformation, ne rend pas si surinformé que ça, et la célèbre leçon de Socrate, à savoir, savoir qu'on ne sait rien, a encore de l'avenir. D'ailleurs, quand Socrate le dit dans son Apologie, c'est d'ailleurs en se comparant à un autre qui, lui, croit savoir. Celui qui croit qu'il sait alors qu'il ne sait pas, tandis que moi, je ne sais pas, mais je ne crois pas que je sais. Alors, il faudra la relire hein, sur le site en prenant son temps pour bien la digérer. Autrement dit, l'important pour Socrate est de ne pas s'y croire, de ne pas prendre la confiance sur le savoir. Mais est-ce vraiment ce qui se passe dans la plupart des cas ? Car souvent, on ne croit même pas que l'on sait, mais parce qu'on n'a pas idée de ce que l'on ne sait pas. Et c'est peut-être ça le vrai paradoxe. Celui qui se substitue à celui de Socrate ne même pas savoir qu'on ne sait pas. Mais si je vous suis bien, être ignorant de son ignorance, c'est bien ça ? Voilà, et c'est bien le problème de l'ignorance. Comment savoir qu'on ignore puisqu'on l'ignore ? Alors oui, je sais, par exemple, Guillaume, je sais que j'ignore la physique quantique. Je ne sais pas comment nettoyer les sabots d'un cheval. Je ne connais pas les mécanismes des crypto-monnaies. Je sais que de nombreux domaines m'échappent. Mais à propos de choses dont on n'imagine même pas qu'elles existent, qu'on ne soupçonne pas, comment faire ? Et concernant des points précis ou absurdes, tels des mesures sanitaires qui nous concernent et qu'on devrait donc connaître, faut-il se vanter de ne pas les avoir su ? Car c'est une chose d'admettre qu'on ne sait rien, et c'en est une autre d'admettre qu'on ne sait vraiment rien. Et le mot important ici est « admettre ». Alors certes, on peut admettre qu'on découvre qu'on ne savait pas, qu'on ne savait rien, mais en son fort intérieur. C'est une autre paire de manches d'admettre ça devant tout le monde. Et c'est là où Socrate s'est peut-être trompé, son ami, vous vous souvenez ? Celui qui croyait savoir alors qu'il ne savait pas, oui, celui-là. Eh bien si celui-ci, au fond de lui, savait très bien qu'il ne savait rien tout en disant qu'il savait. Pas par prétention, mais juste parce qu'il était face à Socrate, juste parce qu'il se sentait bête. On ne sait pas à quel point c'est difficile de ne pas savoir, et ça même pour boire une bière debout. Merci Géraldine Mosna-Savoie. Il est 8h56 sur France Culture.